Nous vous saluons, chers auditeurs de la radio Isanganiro. C'est l'émission Forum Jeune, votre rendez-vous de tous les lundis sur votre radio préférée. Dans cette émission, nous vous parlons des jeunes qui peuvent être des modèles aux autres pour développer leur pays. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec une jeune styliste de 15 ans répondant au nom de Rita Marie-Ange Kundusenge. L'émission d'aujourd'hui vous est préparée par Lidanda Ikeza. Bienvenue à tous. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous salue, Rita Marie-Ange Kundusenge. Salut. Tu peux te définir comme qui ? Rita est une jeune styliste. Elle a 15 ans. Elle est aussi élève à l'école internationale de Bujumbura. Et elle fait la section des lettres modernes. Cette année-ci, je vais en seconde. Rita est également styliste. Ouais, c'est ça. Comment tu as choisi pour être styliste ? Ça t'est venu comme ça ? C'est venu d'où ? En fait, c'est une passion. J'ai bien rêvé et aujourd'hui je réalise mon rêve parce que depuis très longtemps j'aimais regarder mes visiteurs à partir de leur accoutrement. Je partais dans ma chambre et j'essayais de leur corriger. Parfois j'avais toujours les cahiers pleins. À 8 ans je me suis dit à quoi bon de rester avec ces modèles ici dans mes cahiers alors que je pourrais faire quelque chose de bon. Puis, à 8 ans, j'étais trop petite pour en penser à faire des fashion shows. Puis, j'ai un peu laissé jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est là où j'ai montré officiellement ce que je fais. Donc, on a bien compris que tu as commencé à très bas âge. Est-ce que c'était vraiment facile de concilier les deux avec l'école ? Ça a été toujours facile, mais ce qui était plus difficile, c'était... Comment donc mes parents pouvaient l'accepter parce que là, maman était totalement contre à ce que je fasse ces histoires de mode. Elle me disait plutôt de faire la médecine. Et moi, avec la médecine, c'est sans s'opposer. Et alors, ça, c'était la catastrophe. Elle parlait de médecine, je parlais des histoires du théâtre, des histoires de fashion. Et alors, elle a dit, OK, comme tu as le théâtre dans toi, pour que tu ne fasses pas le fashion, va dans le théâtre. Mm-hmm. Ouais, je me rappelle que c'était ça. J'ai fait le théâtre à un grand moment. De même, j'ai participé dans la finale de Festicab 2011 ou 2012, je me rappelle pas très bien. Et puis on a gagné. C'est juste un certificat qu'on te fait. Et puis... J'ai continué. Le prix que tu as gagné, ça s'intitulait comment ? C'est un certificat comme ça, parce qu'en fait, c'est pas moi qui a écrit, donc, qui a fait le script de ce court-métrage. C'était un court-métrage, mais j'étais une actrice principale. Mm-hmm. C'est juste alors des certificats de participation. Mm-hmm. Ouais, et puis j'ai continué avec ma persévérance pour... Enfin, finir par le fashion. Aujourd'hui, j'ai dû stopper un peu le théâtre, le cinéma pour faire alors ma passion. Et il y a une histoire qui entoure ta naissance. Est-ce que tu peux un peu nous partager ? Je suis enfant unique chez moi. J'ai pas de papa. Et ma maman fait des œuvres caritatives. Elle aide d'autres enfants orphelins. Je lui ai demandé, parce que parfois j'étais toujours seule, je lui ai dit à quoi bon de ne pas faire une œuvre caritative. Je me rappelle bien, elle a commencé par amener un tout petit bébé, même on se ressemble. Il y a eu une rumeur autour de ce bébé, on disait qu'elle avait caché ce bébé. Mm-hmm. Mais ce n'était pas vrai. En fait, lorsqu'elle a reçu ce bébé, l'enfant... était tout maigre et puis le docteur ne l'avait pas autorisé de la faire sortir. Le bébé devrait rester à la maison. Ouais, c'était ça. Et aujourd'hui, je vis avec à peu près 128 enfants. Ce sont mes frères et sœurs. Ouais, on est à l'aise avec eux. Ouais. Et donc, ne pas avoir un papa, ça ne te déséquilibre pas ? Pas du tout. Ma maman et mon papa. il est les deux à la fois. Ouais, c'est vraiment bien parce que d'après tout, on se parle à l'aise. Je ne manque rien. Elle est tout. Tu as choisi d'être styliste. Est-ce que c'est un métier que tu avais déjà vu quelque part ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'avait déjà influencé ? Est-ce que tu as un modèle que tu aimes suivre ? Non, pas vraiment. Déjà, dans ma vie, j'ai pas d'idole. Ça, c'est la catastrophe. Mm-hmm. Ouais, ben, parce que je me dis que ma vie est unique. Le fait que je suis sur Terre, c'est que Dieu m'a appelé de faire quelque chose et quelque chose d'unique, différent que par rapport aux autres, mm-hmm. aux autres activités. C'est pour cela, alors que, ouais, j'ai des mots ou aussi des citations qui me renforcent. Mais regardez une personne, like, ça, celui-ci, c'est mon modèle. Je sais pas, chez moi ça passe pas. Mm-hmm. Est-ce que tu as des amis au moins? Ouais, j'ai des amis, bien sûr, une centaine d'amis. Mais bien sûr, tu sais, il y a des amis catégoriques. On fait, il y a des amis où on se partage un verre. Il y a des amis que je suis sûre que je peux compter si je manque quelque chose. Il y a des amis qui sont aussi dans le staff, donc dans l'organisation de mon entreprise. Est-ce que Rita a une maison de couture? Bien sûr que oui, j'ai une maison de couture, elle est située à l'hôtel Dorado et aussi j'ai des travailleurs. Parfois, quand je suis pas, il y a mes travailleurs qui y sont. Uh-huh. Et ça s'appelle comment? M.A. Fashion House. Et M.A. Ça vient de... Mary Angel, mon nom. Est-ce que tu penses que le métier de styliste, on gagne quelque chose ici au Burundi? Ouais, bien sûr. Avant, je me posais la même question. Surtout que je suis petite, je me demandais est-ce que je vais dire à quelqu'un... par rapport de exemple de 50 ans, et je me disais, est-ce que je vais lui dire pour faire ceci, tu dois me payer moi 100 000. Je m'imaginais cette scène en parlant à quelqu'un, à une grande personne, mais je me suis dit de toutes les façons je dois essayer, je dois faire. Et même j'ai commencé par un événement qui a été, je sais pas comment dire, un événement, je dirais, de grand coût économiquement, parce que les places ordinaires c'était 20 000 et pour les places VIP c'était 30 000 quand bien sûr on sait qu'il y a une crise économique au Burundi, et avoir plus de VIP par rapport au simple, ça a été vraiment une chose intéressante chez moi, et aussi un bonjour à ne pas oublier. Justement, en parlant d'entrer en contact avec les clients, est-ce que c'était vraiment facile d'affronter quelqu'un, aller lui vendre ton produit? Bien sûr que oui. J'ai eu une grande expérience sur scène, donc dans le théâtre, dans le cinéma. Et maintenant, Tu essaies de les influencer quelque part, tu ne les manipules pas? Non. Maintenant, donc, je suis à l'aise avec tout le monde, je peux parler avec tout le monde. Mais avant, c'était le contraire. Avant, j'étais trop timide. Mais grâce donc à ce monde qui t'observe quand tu fais des blalala sur scène, tu te sens à l'aise après un certain moment. Parce que je me rappelle bien, lorsque j'ai commencé, j'ai failli mourir sur scène. J'ai failli mourir de peur sur scène parce que je me disais, oh mon Dieu, tous ces yeux, ma maman est là-bas, elle me regarde. Quand je vais faire une gaffe à la maison, je ne vais pas manger. Et alors, ça a été cool, elle me supporte chaque fois et elle accepte mes histoires. Mais non, elle comprend bien ce que ça veut dire le fashion et elle m'accompagne. Facile d'avoir des partenaires ou des sponsors? Non, c'est pas facile parce que y a plus de sponsors apparemment. Mais ceux qui le donnent, je dirais individuels, des sponsors individuels, c'est pas beaucoup, mais j'en reçois, ouais. Mais en fait, on ne peut pas vivre tous par des sponsors. Et s'il y a manque de sponsors, on doit se créer. Donc, comment vivre? Je dis bien, comment trouver quelque chose qui nous renforce pour avoir alors cette chose qui manquait, cette chose qui nous poussait à demander le sponsor. Et par rapport à ce que tu aimes faire, tes créations te proviennent d'où? D'abord, j'aime l'Afrique. Je suis africaine. Je ne sais pas comment c'est venu, mais j'ai une révolution. Parce que chez nous, au fait, on a un teint clair. Et quand je dis que je suis burundaise, il y avait la crise, on disait « Non, non, toi, tu mens, au moins tu es arabe. » Et moi, j'étais totalement contre. Je disais « Non, je suis burundaise. » Et avec ça, alors, pour prouver que je suis burundaise, je porte chaque fois des choses, donc des vêtements qui montrent que je suis burundaise, même si j'ai un teint clair. J'aimerais être plus noire ou peut-être avoir quelque chose du drapeau du Burundi, mais comme c'est impossible, au moins j'essaie de de ne pas me faire blanc comme certains le pensent. Ouais. Est-ce que c'est facile de tremper dans l'univers des stylistes? Parce que la plupart des fois, ce sont des grandes personnes. Parce que toi, tu es encore très jeune. Est-ce que ça a été facile pour toi d'entrer dans cet univers? Ouais, bien sûr. Tu vois, chaque fois, on a une bonne communication. Bien sûr, pour rencontrer des personnes, il faut qu'on ait une bonne communication avec eux. Il faut s'habituer à eux. D'abord, avant d'affronter quelqu'un, je m'habitue à lui, je m'informe à propos de lui. Après, j'y vais, je lui dis, moi je suis Rita, je suis jeune. Ouais, par exemple, la fois passée, j'ai affronté David Carmel. Mm-hmm. Ouais, je lui ai dit, je suis la plus jeune styliste du Burundi parce que je suis la plus jeune. Et puis, et on s'est parlé bien, on s'est donné un rendez-vous. Malheureusement, j'avais pas plus de temps là. Mais ça passait, on reste toujours amis, on reste accro. Ouais, c'est ça. Crazy it could be, paper babies talk. Take it easy when you leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even won't die, oh, oh, mess up. My only desire, I could take it and need your love. Be to my missing tear, cause you make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, and so good to taste. Took you now step by step on the beat, touch your night hand in the street. L'émission C'est Forum Jeune. Nous sommes avec Rita Marie-Ange Kundusenge, une jeune styliste de 15 ans. Elle ne parle que pour elle. C'est facile de côtoyer le monde extérieur pour faire la promotion de sa ligne de vêtements. Ça m'a été facile parce que j'ai fait un voyage aussi de travail. Je suis partie à Kigali pour faire la promotion de MA Fashion House. J'ai passé sur les canaux différents, sur Royal TV, dans l'émission Celebrity Show. On peut même voir la vidéo sur YouTube. On tape Royal TV Celebrity Show et puis il y a beaucoup de vidéos. Là, on peut voir la mienne, c'est Rita Fashionist. Et puis, j'ai aussi passé sur Contact FM. Ouais, et aussi sur Isango Star. Ouais. Et maintenant, je me prépare enfin pour la télévision rwandaise ainsi que TV10 dans l'émission 10 Tonight. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Toutes ces expériences, comment tu les as accueillies? J'ai passé par une personne. Je lui ai dit ce que je voulais, qui je suis, et puis il m'a donné des contacts. Ça a été plus facile, je les ai affrontés. Puis ils ont été tous, waouh, une petite fille comme ça, et encore plus qui n'a pas peur des médias. Et donc, ça a encouragé l'autre journaliste à faire plus que son ami avait fait. Mm-hmm. Ouais, et puis, ça a été bien. Mm-hmm. Ouais, je dirais qu'en 2018, si rien ne change, je ferai un show, le mien, mm-hmm. à Kigali. Quand tu es ici au Burundi, par exemple, les professeurs, quand tu es en contact avec les professeurs, est-ce qu'ils comprennent facilement que tu travailles dans le privé, ce qui est en rapport avec la mode? À l'école, je suis une élève, une simple élève. Quand je fais des fautes, on me tabasse comme toutes les autres. Mm-hmm. Mais je ne fais pas beaucoup de fautes, mm-hmm. Dieu merci. Parce que moi, j'ai peur de fouet. Mm-hmm. Même à la maison, j'avais toujours peur des fouets. Mm-hmm. Ouais, je savais qu'à 20h30, je devais m'asseoir devant la télé pour regarder le journal. Oh mon Dieu. Mm-hmm. Tu vois, le journal, c'est comme ça. Ma maman m'obligeait de regarder le journal à 20h30. Là, c'était une catastrophe parce que là, je savais que si je ne fais pas, si je vais pas regarder le journal, j'aurai un fouet. Alors, avec les professeurs, je me tiens bien droite. Je ne leur explique pas s'ils ne me demandent pas à propos de ce que je fais. Mm-hmm. Mais parfois, ils me le demandent pendant la pause. Bien, s'il veut influencer d'autres élèves, genre dans l'orientation, parce qu'on a amené un psychologue. Mm-hmm. Pour nous. Ouais. Il était déjà engagé, mais non, on lui a donné un autre travail, mm-hmm. à part donc de faire le counseling. Mm-hmm. Il donne un cours aussi d'orientation. Donc, on nous oriente et parfois, il utilise donc mon histoire pour faire, ouais, mm-hmm. pour inspirer d'autres. Mm-hmm. Ouais, ben, c'est bien. Si je fais une faute, on me tabasse et puis on me dit « t'as pas honte !» Alors que tu es la plus grande. Mais ça va, je fais pas beaucoup de fautes. Si je vois que c'est une chose excusable, je dis « c'est arrivé, excusez-moi mm-hmm. ». Ouais, c'est ça. Et ça passe. Ça passe. Et si tu analyses bien l'univers du stylisme ici au Burundi, est-ce que tu apprécies vraiment le pas que ça a déjà franchi? Pas exactement. Mm-hmm. Il manque du courage. Ouais, certains le font, mais ils sont toujours cachés à la maison. Ils sont toujours dans leur chambre. Il faudrait bien qu'ils amènent donc leur visage ici. Donc il faut qu'ils sortent de leur silence. Il faut qu'ils fassent quelque chose officiel. Ouais, parce que j'ai vu que même si, en fait, les parents, je sais pas. Les parents ne veulent pas que tu sois médecin ou que tu sois militaire, que tu sois... Les parents veulent qu'on parle de toi dans des choses positives, bien sûr. Mm-hmm. Donc, tu vois, ton parent était totalement contre. Ma maman était totalement contre mm-hmm. à ça. Mais quand elle a vu un article sur Akedza, elle dit à ses amis, « Vous avez vu ma fille ? Vous avez vu ma fille ? Elle, c'est ma fille mm-hmm. !» Mais avant, elle était contre. Mm-hmm. Et maintenant, elle dit aux parents, « Laissez vos enfants vivre mm-hmm. de leur talent mm-hmm. !» Parce qu'elle voit le résultat. Mm-hmm. Mais si ça n'aurait pas passé, elle m'aurait tabassée du lundi jusqu'à l'autre lundi. Mm-hmm. Mais comme aujourd'hui, elle voit donc le résultat, elle me dit, « Continue, continue, pourquoi tu ne fais pas ça ? Fais un événement mm-hmm. !» C'est grâce à elle, elle m'a poussée à le faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et quand ? Mais parce qu'elle a vu le résultat, c'est ça en fait. Mm-hmm. Et alors pour d'autres jeunes qui... Donc ces stylistes qui se cachent toujours, mm-hmm. il ne faut pas dire que je n'ai pas fait ceci à cause de mon parent. Mm-hmm. Les parents ne décident pas sur toi. C'est toi qui te connais toi-même. Tu mm-hmm. sais ce que tu vas faire, tu sais ce que tu aimes, tu sais qui tu aimes, tu sais tout de toi par rapport à une autre personne. Et donc, il n'y a pas à faire des excuses. Au fait, j'ai pas ça parce que j'ai pas fait ceci parce que j'avais pas de temps. Aujourd'hui, moi, j'étudie dans les classes supérieures, c'est pas assez facile. Mm-hmm. Aussi, dans la section lettres, il y a toujours des livres à lire et mm-hmm. parfois on n'est pas permis de lire des livres de 100 pages mm-hmm. parce qu'on est des littéraires, on est obligé de faire au moins un résumé de 400 pages mm-hmm. comme ça. Mais je sais comment gérer tout. Je sais comment gérer mon temps donc, à faire ces histoires de mode, à faire aussi, à me préparer pour des examens, des interros et... Mmh. Et je réussis, par exemple, dans cette année, j'ai réussi sans aucun repêchage. Mmh. Ouais, qui dit qu'il n'y a pas d'excuse. Donc, ce qui manque au Burundi, ce n'est pas l'argent. En fait, on n'est pas pauvre. on aurait été pauvre si on n'aurait pas donc la tête, si on n'aurait pas le cerveau, mais parce qu'on est, on a le cerveau, déjà on est riche parce qu'on a le brain. Mm-hmm. Et puis le brain, c'est tout. Avec le brain, on sait comment chercher de l'argent. C'est pas l'argent qui manque, c'est le courage de chercher l'argent qui manque. Mm-hmm. Rita Marie-Ange Kondusenge, elle se voit où dans 5 ans? J'aimerais bien être derrière. J'aimerais être une histoire derrière le succès de mon entreprise. Parce que si on entend, par exemple, Gucci, on n'a pas besoin d'imaginer qui est le fondateur de Gucci. Juste, on regarde les biens de Gucci, on regarde ses modèles, on regarde son headquarter, comment il est construit. Regarde donc tout ce qui est en rapport avec Gucci. On n'a pas besoin de s'imaginer c'est qui le fondateur de Gucci. Et alors, ce que je veux plus, c'est que je sois derrière le développement de MA, là où, par exemple, je n'aurais pas à expliquer, en fait, j'ai 15 ans, j'ai fait ceci et cela. Mm-hmm. Je vais dire, je suis CEO de MA. Oh, MA! Donc, ça, d'abord, c'est mon rêve, faire connaître ici et ailleurs MA Fashion House, et puis bien sûr faire des concours à l'extérieur du pays. Maintenant je suis à Kigali, demain ça sera en East Africa, et puis même voyager vers le Ghana, pourquoi pas en Europe et aussi aux États-Unis, faire quelque chose de gros qui vient du Burundi. Et bien sûr je vais faire autre chose, parce que ça c'est un métier à part. Je vais faire déjà l'entrepreneurship marketing planning. Mm-hmm. Et alors, il y aura aussi une autre face de Rita dans le marketing. Mm-hmm. Ouais. Sur le logo d'OMA, il y a une aile. Ça symbolise quoi ou ça signifie quoi ton logo? Comme vous le savez, c'est Mary Andrew. Mm-hmm. D'Andre Andrew avec l'aile. Donc, we fly with MA. Ouais, j'ai pas de magasin partout dans le monde, mais au moins ça avance, parce que si on voit déjà qu'en France on fait des commandes, et puis après il y a des Burundais qui sont là qui veulent faire des commandes, et je les fais, je les envoie et ils portent MA. Ah, la petite aile. Ouais, c'est ça. Et donc je me dis, oh mon Dieu. J'avance, on avance, M.A. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Il faut toujours aller petit à petit, pas à pas, pour ne pas tomber, pour savoir comment monter les escaliers, c'est ça. Nous espérons que les ailes du logo M.A. porteront loin la jeune styliste Rita Marie-Ange Kondusenge pour sa carrière de styliste. Nous lui disons merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Cette émission vous a été préparée par Alidanda Ikeza. À la prochaine.